Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec environ 3 millions de téléchargements mensuels, Au cœur de l'histoire bat des records de podcasts. De quoi réjouir Franck Ferrand et toute l'équipe. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Précisons que ces chiffres sont en augmentation de 80% par rapport à l'année dernière. Champagne. Je dois vous avouer qu'en 2011, quand sous l'impulsion de Denis Oliven, nous avons relancé ce rendez-vous quotidien sous le nom d'Au cœur de l'histoire, nous étions loin d'imaginer qu'elle allait devenir un phénomène de podcast, accompagnant chaque jour des centaines de milliers de fidèles dans leur footing, leur gym, leur itinéraire au travail, leur tournée, leur bain, leur repassage, que sais-je. Quoi vous dire de ce succès, sinon qu'il nous fait chaud au cœur et que je n'oublie pas pour autant, bien sûr, les quelques 400 000 personnes qui, par ailleurs, nous écoutent chaque jour à 14h sur l'antenne d'Europe 1. Et de quoi donc allez-vous parler à tous ces gens aujourd'hui, cher Franck ? Eh bien, de montagne, chère Anissa, de montagne et de catastrophes. Nous partons en effet bien chaussés, bien équipés pour le massif de Chartreuse, où s'est produit, au milieu du XIIIe siècle, un des effondrements rocheux les plus impressionnants de l'histoire. Et vous avez, comme souvent depuis quelques temps maintenant, invité deux spécialistes. Oui, l'historien Thomas Labbé vient de faire paraître aux éditions du CNRS un ouvrage passionnant qui s'intitule « Les catastrophes naturelles au Moyen-Âge ». Quant à Marie Burin-Desrosiers, responsable d'édition au guide du Routard, elle connaît les Alpes comme personne. Mieux vaut s'assurer la présence de bons guides, vous savez, lorsque vous prétendez vous aventurer en montagne. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Dans la nuit du 8 au 9 janvier dernier, donc là, en 2017, un pan du Mont Granier s'est effondré. Et on a beaucoup parlé de ça, bien entendu. Hein. Une grande coulée claire a emporté des arbres avant de s'arrêter 300 mètres avant les premières habitations. Il n'y a pas eu de blessés, pas de dégâts à constater. Juste une belle frayeur et quelques bons coins à champignons qui ont disparu dans la, au passage. Alors, pourquoi les Savoyards ont-ils eu si peur? Quelle mémoire cet incident est-il venu raviver? Eh bien, il faut, pour le comprendre, nous replonger dans les entrailles de l'histoire, si je puis dire. Le Mont Granier n'est pas une montagne anodine. Quand, dans les Alpes, on parle d'éboulement du Granier, on fait référence à un éboulement bien plus ancien que 2017. Et même sans aucune commune mesure avec ce qui vient de se passer, les habitants gardent en effet en mémoire un accident terrible qui pourrait se reproduire après tout. Pourquoi pas? Nous sommes en novembre 1248, dans le massif de Chartreuse ou de la Chartreuse, les deux se disent. Nous sommes donc entre Grenoble et Chambéry. Au-dessus des villages, le mont Granier culmine à une hauteur de 1933 mètres. Donc 2000 mètres, ça commence déjà à être de la, bonne petite montagne. C'est de la bonne montagne. Alors la nuit est tout à fait normale, c'est une nuit comme les autres, une nuit de novembre. Les habitants du village de Granier et des paroisses alentour dorment depuis très longtemps. Vous savez qu'on est à une époque où l'on vit au rythme du soleil, bien entendu. Mmh. Donc vous pensez bien que les gens dorment. Le calme règne dans les chambres, dans les chaumières, dans les étables, dans les bergeries. Les jours passés, il faut le dire, il a beaucoup plu. Les précipitations ont été tellement importantes qu'elles ont gonflé les eaux souterraines dans des proportions qui ne sont pas normales. Les habitants des villages qui entourent le Mont Granier ne le savent pas, ça bien entendu. Seulement, la montagne qui leur fait de l'ombre, cette montagne est traversée dans ses soubassements par des centaines de kilomètres de galeries, de ramifications qui ont été creusées, bien sûr, au fil des différentes aires, par les rivières. Or, avec ces pluies abondantes, les galeries débordent, si je puis dire. Elles ne suffisent plus à contenir toute l'eau tombée. L'eau va donc s'infiltrer progressivement dans les différentes couches de la montagne. Ça fragilise une partie du Mont Granier. Et désormais, on se dit que la moindre secousse sismique, si légère soit-elle, suffirait à faire effondrer un pan de la montagne. Cette nuit-là, il ne pleut pas. C'est, je vous l'ai dit, une nuit paisible, tranquille. Or, tout à coup, au beau milieu de la nuit, alors que les habitants dorment d'un sommeil profond, un pan entier du mont Granier se détache. Il s'effondre. Alors, On ne peut même pas imaginer le gigantesque glissement de terrain que tout cela génère. Certainement le plus grand glissement de terrain de tous ceux qu'on a connus, de mémoire d'homme en tout cas, dans les Alpes. Dans l'obscurité de la nuit, des pierres dévalent par milliers la pente. Et en bas, bien entendu, elles vont rencontrer les villages qui bordent la montagne et ces pierres. Il faut imaginer qu'elles dévalent à une vitesse qu'on ne peut même pas s'imaginer. Elles emportent tout sur leur passage. C'est une coulée immense. Elle représente pas moins de 500 millions de mètres cubes de rochers. Vous imaginez ça? Non, d'ailleurs. On a, je vous l'ai dit, jamais vu de d'écroulement aussi gigantesque. Avec une violence extrême, ces pierres par milliers, par dizaines, par centaines de milliers détruisent, anéantissent tout ce qui se passe là, tout ce qui est sur leur passage, les villages, les habitants bien sûr. La coulée était large d'une lieue en longueur et d'une lieue et demie en largeur, nous dit le chroniqueur dominicain Frassalim Bene. Dans la vallée, il y avait 7 paroisses qui furent toutes ensevelies. 4000 hommes ont trouvé là la mort. C'est ainsi que s'est accompli ce qui est dit dans le livre de Jacob. La montagne finira par s'écrouler, le rocher par changer de place, les pierres sont rongées par les eaux, la poussière du sol emportée par l'averse. Il faut reconnaître que la prophétie a l'air précise. De nombreux chroniqueurs de l'époque vont évoquer cette catastrophe dans leurs récits. Et cependant, en fonction des auteurs, le nombre de morts diverge. Donc, Frassalim Bene parle de 4000 morts. Matthieu Paris, un moine anglais, parle de 9000 morts. Sans compter les animaux, dit-il bien sûr. Jérôme Frachet, un chroniqueur dominicain aussi, avance le chiffre de 5000 morts. L'historien spécialiste de l'histoire médiévale Christian Guiret estime qu'il y aurait eu 1 millier de morts seulement, ce qui reste néanmoins un bilan désastreux. Un désastre, c'est sur un paysage ravagé, complètement dévasté même, que va se lever le jour, le lendemain matin de cette terrible nuit de 1248. Les rares survivants découvrent, complètement effarés, un paysage d'apocalypse. Les maisons sont éventrées, détruites. Il y a partout des morts qui jonchent les amas de terre, de roches, d'arbres et de racines enchevêtrées. La boue, les pierres recouvrent les bourgades sur plus de 100 mètres d'épaisseur et une surface totale de plus de 30 kilomètres carrés. C'est un chaos. C'est vraiment le chaos tel qu'on peut l'imaginer, effectivement, de manière biblique. Un seul lieu a été épargné, dit-on, comme par miracle, la chapelle de Myance qui restait intacte. Elle a depuis été transformée en sanctuaire, vous l'imaginez bien. Comment le mont Granier a-t-il pu ainsi s'écrouler? A-t-il pu, de manière tellement violente, provoquer cette tragédie? C'est bien sûr la question à laquelle, dès cette époque, chacun tente de répondre. De soleil, un extrait de la symphonie alpestre, l'œuvre de Richard Strauss. Et le lever de soleil, eh bien, c'est ce qui s'est passé le lendemain de cette nuit de 1248 où un pan entier du mont Granier s'est effondré. Et c'est Franck Ferrand qui vous raconte cette histoire. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur du Moyen-Âge. Nous sommes en 1248, lors de la catastrophe du Mont Granier. L'effondrement d'un pan entier de cette montagne fait au moins un millier de victimes. Est-ce qu'il y a eu, Franck, avant que vous nous racontiez la suite de cette histoire, est-ce qu'il y a eu des glissements de terrain comparables dans l'histoire ? Oui, il y en a eu un certain nombre. Des catastrophes naturelles, il y en a eu pas mal au Moyen-Âge. Nous aurons l'occasion d'y revenir avec mon invité dans un instant. Nous parlerons d'autres types de catastrophes d'ailleurs. Pour ce qui est des éboulements comme ça, il y en a eu de terribles. Plus tard, en 1618, une immense coulée de boue en Italie, à Chiavenna, on est en Lombardie, a fait plus de 2400 morts. Et ça a été une des plus importantes. 200 ans plus tard en Suisse, à Rosberg, on est en 1806, trois villages sont engloutis. Ça tue quand même 1000 personnes. De nouveau, un coulé de boue et de pierre, 15 millions de mètres cubes de pierre qui s'abattent quand même sur Rosberg. Et puis toujours en Suisse, à Elm, cette fois-ci, on est 75 ans plus tard, une nouvelle catastrophe emporte les habitants de la vallée et leurs habitations. Ça, c'était en 1881. Mais l'une des catastrophes les plus violentes en termes de victimes est nettement plus récente puisqu'elle date de 1970. En 1970, alors là on n'est plus en Europe, on est au Pérou, à Yungay. Il y a eu une coulée de boue absolument invraisemblable qui a anéanti plus de 20 000 personnes. Donc ce sont des événements qui sont rares évidemment, mais qui ne sont pas uniques. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette catastrophe du Mont Granier, outre son importance évidemment et son caractère tellement imprévisible, elle a eu un retentissement considérable, vous savez, dans toute l'Europe, on peut dire à l'époque. C'est devenu important cette affaire du Mont Granier. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont les gens la vivent, bien entendu. Et ça nous interroge. C'était un de mes sujets d'étude, ça, autrefois. La question de l'échelle d'analyse, de l'échelle mentale. Il faut bien comprendre que lorsque vous pouvez rapporter un phénomène à une très grande échelle et de temps et géographique, évidemment, le phénomène se relativise. À partir du moment où vous n'avez pas tellement de références et que votre horizon, si je puis dire, est borné, le phénomène prend des dimensions quasi universelles. C'est ça qui nous intéresse. Et ce que nous apprend cette affaire, au-delà de l'événement lui-même, bien sûr, c'est la façon dont les contemporains ont essayé d'y réagir. Un certain nombre de clercs sont venus dans la région pour constater les dégâts et pour trouver les raisons qui avait provoqué ce que l'on considère être un effet de la colère divine. Pourquoi Dieu s'est-il mis en colère? C'est ça finalement la question à l'époque. Les chroniques vont recueillir un succès considérable signé par tous ces clercs et on ne parlera pendant longtemps de tout cela, que de cela pardon, dans une très vaste ère géographique. Le chroniqueur anglais Matthew Paris dont je parlais, qui est donc un bénédictin né vers 1200, se rend sur place après la tragédie, alors il mène son enquête et pour lui c'est évident, il ne peut qu'y avoir un lien entre cet effondrement du Mont Granier et un événement tout aussi spectaculaire qui était survenu quelques jours plus tôt en Angleterre, une espèce de tempête de mer, des montagnes d'eau qui s'étaient abattues sur la côte, bref un raz-de-marée. En effet, dit-il, le jour de la lune était 4 selon la supputation du calendrier, la mer monta 3 fois en se gonflant et en s'accroissant, sans qu'on remarquât ensuite une diminution notable ou un mouvement de reflux. On croit que ce phénomène fut causé par l'action d'un vent très violent qui soufflait de la mer, mais comme il arrive souvent que le vent s'élève avec fureur et vienne de la mer, sans que pour cela la mer monte d'une manière aussi surprenante, les vieillards eux-mêmes s'émerveillèrent de cette nouveauté inouïe. Les vieillards eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui avaient la mémoire des catastrophes précédentes, s'émerveillèrent au sens immédiat, originel du terme. Sont restés étonnés, devrait-on dire. Autrement dit, les vents qui ont soufflé à l'intérieur de la Terre auraient provoqué un raz-de-marée, d'où par répercussion le tremblement de terre en Savoie. Mais au-delà de cette explication, comment dirais-je ? Géodésique, scientifique, Matthew Paris est persuadé qu'une cause divine donc est bien à l'origine de ce double phénomène. Il estime que l'effondrement du Mont Granier vient punir les Savoyards qu'il accuse d'être des usuriers, des simoniaques, donc des gens qui pratiquent la vente des biens ecclésiastiques, le trafic des reliques. Vous savez, c'était la grande affaire, cette époque, on est en 1248. Et donc, il accuse les habitants du Mont Granier les voisins du Mont Granier d'être à l'origine de tous ces trafics, d'être des brigands qui s'attaqueraient aux pèlerins traversant la région. La colère divine serait donc venue s'abattre sur eux pour leur amour immodéré de l'argent. Je cite de nouveau notre chroniqueur tellement lumineux. On disait en effet, à juste titre, que c'était sur les maisons de ses habitants que la sévérité de la vengeance divine avait sévi, parce qu'ils exerçaient alors avec indifférence et impudence les activités honteuses de l'usure, l'usure c'est le prêt à intérêt, hein, tout souillé de l'ignominie de cette soif, et que pour l'apparence de la vertu cacha, pour que l'apparence de la vertu cachât le vice, il ne rougissait pas de s'appeler insidieusement marchand de deniers. Il s'inquiétait peu de commettre des actes de simonie, ne craignait pas de se livrer sans piété aux vols et aux rapines. Les voyageurs qui étaient de passage et qui logeaient chez eux, comme ceux qui étaient obligés de se rendre à la cour romaine, les étudiants, les marchands, il n'oubliait pas de les étrangler ou de les empoisonner, ignorant que plus la vengeance divine se fait attendre, plus elle s'exerce, comme on le lit avec rigueur. Ainsi l'atteste saint Grégoire le Grand qui dit « La colère divine marche à pas lents vers la vengeance, mais elle compense ce retard par sa lourdeur. » Je ne sais qui est le plus lourd, de l'éboulement lui-même ou du chroniqueur en l'occurrence. Il faut bien entendu préciser que Mathieu Paris est anglais. Or, il entretient, disons-le, une véritable haine à l'égard des Savoyards, dont il déteste la présence de plus en plus nombreuse à la cour d'Angleterre. En effet, en 1226, son souverain, Henri III, a épousé Éléonore de Provence. Et Éléonore de Provence, c'est la fille de Béatrice de Savoie. Vous voyez qu'il y a toujours une explication politique et curiale derrière, derrière les haines qui se manifestent. Donc cette Béatrice de Savoie, qui était la mère de la reine d'Angleterre, était elle-même fille du comte de Savoie, Thomas Ier. Et donc les Savoyards, petit à petit, étaient venus s'installer en Angleterre. Ils occupaient à la cour des postes relativement importants. Et en les fustigeant comme il le fait à travers la catastrophe, bien entendu que Mathieu Paris est en train de régler des comptes. Ça, c'est certain. Il n'est pas d'une bonne foi à toute épreuve. Alors, revenons à ce décor d'apocalypse. Les hommes, très tôt, vont, malgré ce qui s'est passé, ça va nous interroger aussi, ils sont venus se réinstaller sur place. Alors, on se pose la question, évidemment, pourquoi revenir sur cette terre maudite ? Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous fait revivre la catastrophe du mont Granier. Il s'est effondré en 1248 et cet épisode de l'histoire, vous en avez peut-être entendu parler, surtout si vous habitez en Savoie. Eh bien, n'hésitez pas à venir nous raconter vos souvenirs sur Twitter et Facebook. Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook au cœur de l'histoire. La suite de l'effondrement du mont Granier, c'est dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez l'effondrement du mont Granier. Nous sommes en 1248. Ce qui est impressionnant, c'est que tout un pan de la montagne s'effondre. Il y a plus de 1000 victimes et pourtant, les gens reviennent. Et oui, les gens reviennent tout simplement parce que l'endroit n'est pas un endroit isolé, à l'écart. C'est au contraire une zone profondément active, une zone qui se trouve, c'est une zone d'échange, si vous voulez, de passage pour le grand commerce qui est en train de se mettre en place à cette époque. Encore une fois, on est au milieu du XIIIe siècle, on est dans une région frontalière du Dauphiné, il y a cette grande route, la route des foires de Champagne, vous savez, qui mène jusqu'en Italie, jusque chez les Lombards, et qui passe par là, et très rapidement, le comte de Savoie se dit qu'il est indispensable de réorganiser ce territoire. Donc, en plus, n'oubliez pas la période de la croissance démographique hein, de cette période. Bref, il est nécessaire que ce territoire clé en termes d'échange, de commerce, que ce territoire clé pour les Savoies puisse renaître. Il faut faire face au nécessaire approvisionnement des populations. Et puis, il y va, bien sûr, de la richesse et de la prospérité de toutes les familles qui s'appuient sur ce commerce frontalier. Donc, en 1295, le comte de Savoie s'installe carrément à Chambéry. Chambéry, c'est à 6 kilomètres, 6 de nos kilomètres, on disait à l'époque, une lieue et demie du mont Granier. Et le comte de Savoie va faire de Chambéry sa capitale. Donc c'est un acte politique fort sur lequel nous allons revenir. Et très vite, eh bien, on voit revenir dans cette région par ailleurs dévastée un certain nombre de personnes. Le travail nécessaire pour refaire de ces lieux d'apocalypse une zone habitable est titanesque. Il faut arraser partout, piocher, casser des cailloux, déblayer. Il faut enlever tous ces troncs d'arbres hein, qui avaient été arrachés, qui ont été charriés, qui sont là à pourrir. Il faut reconstruire, rebâtir. Bref, il faut réinventer une vie. Réinventer, devrais-je dire, une ville. Je vous l'ai dit, un seul édifice avait échappé à l'ire divine et c'était la chapelle de Myans qui donc miraculeusement avait subsisté. Pour expliquer ce miracle, un dominicain, Étienne de Bourbon, nous raconte une légende assez étrange. Selon lui, un certain Jacques Bonivard aurait intrigué auprès du pape pour obtenir l'expulsion de moines qui vivaient dans un magnifique prieuré de Granier. Il a obtenu ce qu'il voulait, le Bonivard en question, il a obtenu l'expulsion. Il aurait organisé à cette occasion une immense fête avec ses amis dans le prieuré. Et c'est pour le punir que cette nuit-là, la montagne se serait écroulée. Or, seuls les moines qui avaient été chassés ont été épargnés. Or, où avaient-ils trouvé refuge ? Dans la chapelle de la Vierge Noire à Myans, précisément, d'où le fait que la chapelle ait été épargnée. Vous voyez qu'on va très loin dans les explications, mais nous reviendrons sur tout ça dans un instant. Quatre siècles plus tard, en 1615, le capucin Jacques Faudéré va bâtir une autre légende. Lui, selon lui, lorsque la coulée de roches s'est déversée dans les alentours du mont Granier, cette coulée se dirigeant droit vers Myans, elle s'est arrêtée net juste avant la chapelle parce que les religieux étaient en train de prier devant la statue de la Vierge Noire. C'est donc un miracle. À cet endroit, nous dit-il, la coulée s'arrêta net sans pouvoir aller plus loin et sans faire de mal aux religieux, lesquels étaient les derniers démons qui criaient au premier « Passons outre, passons outre !» Et les plus proches répondaient « Nous ne pouvons pas parce que la brune ou la noire nous en empêche. » Les premiers démons, disant à ceux qui étaient derrière qu'il y avait dans cette chapelle une noire qui les empêchait de détruire la dite chapelle et de la précipiter dans l'abîme, vous aurez bien compris que cette noire, cette brune dont parle Jacques Faudéré, c'est bien sûr la statue de Marie qui se trouve dans la chapelle et dont le visage et les mains sont colorés en noir. Elle y est toujours présente, richement vêtue, couronnée, elle trône avec l'enfant Jésus dans la partie inférieure du sanctuaire. On peut dire qu'elle est devenue l'héroïne de la catastrophe du mont Granier. Alors, la lutte de la Vierge contre le diable, c'est le thème récurrent d'un grand nombre d'écrits de cette période. L'historien Jacques Berlioz écrit « Étienne de Bourbon raconte ainsi qu'un diable essaya pendant 12 ans d'emporter avec lui un seigneur auvergnat sans succès, car ce dernier s'agenouillait 7 fois par jour devant la Sainte Vierge et disait 7 fois son autre père. » Vous voyez, c'est pas très compliqué, vous le saurez, c'est en montagne et que vous voyez qu'il y a des éboulements en prévision. Du chaos de 1248 naît une nouvelle organisation, bien sûr. Tout ce glissement de terrain a laissé un paysage nouveau, évidemment, j'allais dire lunaire. Imaginez de vastes prairies qui vont s'étendre sur des dizaines de lieues au milieu des montagnes. On peut dire du contexte écologique qu'il a changé, on va y venir dans un instant. Les terres sont devenues fertiles, la culture de la vigne va même devenir propice. Et sur ces terrains, donc, on va se mettre à planter, à cultiver. Et des kilomètres de vignes s'étendent aujourd'hui au pied du mont Granier. L'historien Christian Guiret conclut, et il reprend pour cela la fameuse formule d'Albert Camus, il faut imaginer non pas Sisyphe, mais le paysan savoyard heureux. Bonjour Thomas Labbé. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons revenir avec vous sur les circonstances, bien sûr, de cette catastrophe, mais surtout sur l'interprétation qu'on en a faite à l'époque et sur ce que cela nous apprend du mental de nos ancêtres. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Thank you. après-midi. Franck Ferrand, nous sommes au cœur de l'histoire des catastrophes naturelles et plus particulièrement celle du Mont Granier dans les Alpes. Côté français, c'est une montagne qui s'effondre en 1248. C'est la Savoie, hein, bien sûr. C'est la Savoie, exactement. Et pour nous parler de ces catastrophes naturelles et de celle-ci plus précisément, vous recevez Thomas Labbé. Il est historien et il vient de publier Les catastrophes naturelles au Moyen-Âge, un bouquin qui est sorti le 9 février aux éditions du CNRS. Et je trouve votre sujet très étonnant et passionnant, Thomas Labbé, pour tout vous dire, parce que on évoque évidemment très souvent les catastrophes naturelles modernes et j'ai eu à ce micro l'occasion très souvent, d'innombrables fois, de raconter des catastrophes du 18e, du 19e ou du 20e siècle. Mais on oublie qu'évidemment, ces phénomènes avaient lieu autrefois. L'autre jour, nous parlions de l'éruption du Vésuve et de Pompéi, etc. Donc, dans l'Antiquité, on en a aussi quelques traces. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, on se pose la question. Eh bien, vous y répondez à cette question. Et vous nous racontez notamment cette catastrophe du Granier, qui était totalement imprévisible et qui a fait, d'après vous, combien de victimes? Alors, vous arrivez à départager les chroniqueurs et les historiens sur Alors, ce sujet. De victimes, évidemment, on n'a pas un chiffre exact. Hein, ça faisait pas partie des habitudes des gens de l'époque de faire des bilans. Non, comme voilà, maintenant, c'est ça. On est habitué à la voir. On ne comptait pas à l'époque. On ne comptait pas les morts. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est même ce qui en fait l'originalité. Hein, la plus intéressante de la mentalité médiévale à ce niveau-là, c'est qu'on met pas les victimes au cœur de l'événement et au cœur des réflexions qui vont avoir lieu. Donc, on n'a pas le nombre exact. Après, le plus réaliste, c'est 1000 morts. Et c'est le chiffre qui a été choisi comme le plus réaliste par rapport à la démographie, tout simplement, locale, puisqu'on sait que c'est sur 30 km² à peu de choses près. 5000 victimes, il ne peut pas y avoir autant de monde sur 30 km², donc 1000 victimes, ça paraît le plus raisonnable, et c'est le chroniqueur allemand, donc, qui avait peut-être raison. Quand vous dites qu'on ne s'occupe pas des victimes, il n'y a pas de secours, il n'y a pas d'organisation des secours. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Les blessés, par exemple, quelqu'un les prend en charge? Dans le cas du Granier, par exemple, on n'en sait rien du tout, puisque personne n'en parle. C'est quand même inouï, ça. C'est inouï, oui. C'est... Lorsqu'on parle de catastrophes naturelles ou d'ailleurs accidentelles, je pense au grand accident de Baltimore dont on a célébré le centenaire là, l'autre jour, généralement, ce qui est au cœur du récit, de nos récits modernes, ce sont précisément les secours. Et c'est l'organisation du secours. À l'époque, non, pas du tout. Ça n'apparaît pas dans les textes. Pas véritablement. Ça, c'est une habitude de pensée qui apparaît plus tard, vers le XVIe siècle. Et puis, encore plus au XVIIIe siècle, quand se développe vraiment la monarchie absolue et puis l'idée d'un roi perd de son peuple. Oui, exactement. Hein, bien sûr. C'est pour ça aussi que les catastrophes ont plus intéressé les gens qui s'intéressent au XVIIIe siècle, parce qu'on retrouve beaucoup plus de choses qui font sens pour nous, bien sûr, ce qui n'est pas le cas pour le Moyen-Âge. Donc souvent, lorsqu'il y a des secours, c'est plutôt des secours de type privé. Hein. Il y a certains exemples pour d'autres catastrophes. Je pense par exemple aux inondations. À Paris, on sait qu'en 1296, quand la Seine déborde et qu'elle renverse les ponts qui relient l'île de la Cité au reste de la ville, des gens ont été payés, on ne sait pas par qui, on ne sait pas vraiment comment. Oui, la nature humaine a fait son œuvre quand même. Il y a eu des gens secourables. Exactement. On avait vu la même chose, dites-vous, en Hollande en 1170, un grand raz-de-marée, pareil, on sait que des gens sont venus en bateau et ont aidé. Voilà, ont aidé les gens qui s'étaient réfugiés sur les toits de leur maison. Mais enfin, le texte nous parle simplement de quidam. Mais il faut dire que dans le cas d'inondation, vous donnez plusieurs exemples, hein, notamment aussi une inondation à Tours en 1480. Au moment d'inondation, il est relativement plus facile d'apporter du secours, parce que là on a des embarcations, on peut faire monter les gens, on repêche, si je puis dire, les victimes. Dans le cas d'un éboulement de terrain avec des gens qui ont été littéralement broyés par des masses rocheuses infernales, c'est plus difficile. Certainement, oui, il y avait... Moins de survivants, probablement. Voilà, moins de survivants. Une inondation, c'est un événement relativement long, ce qui permet de s'organiser aussi un petit peu. Là, c'est tellement brusque. Les éboulements de pierre, parfois, ont été jusqu'à 150 mètres de haut. Hein, donc, de toute façon, c'est sûr que l'événement était trop important cette fois-ci. Alors, on parle peu, je trouve, de l'éboulement du Mont Granier. On en a parlé l'autre jour. D'ailleurs, c'est ce qui nous a donné l'idée, hein, soyons honnêtes. Mais on en a parlé parce que ça entre dans l'actualité. Mais d'une façon générale, c'est un événement qui a relativement disparu de la mémoire collective et de notre inconscient collectif. Il y a eu d'autres grandes catastrophes naturelles dont vous parlez. Ce sont plutôt des tremblements de terre dont vous parlez, celui de Bâle en 1356, celui de Naples un siècle plus tard, un autre tremblement de terre en Catalogne en 1427. Ça laisse des traces dans la chronique néanmoins. Énormément, oui. Oui, c'est énormément de chroniqueurs en parlent à travers toute l'Europe, ce qui est assez peu fréquent à cette époque-là, puisque l'information se diffuse évidemment beaucoup moins rapidement que on pourrait l'imaginer. Donc c'est une des originalités aussi d'ailleurs du Mont-Granier, c'est de la retrouver, cette catastrophe, dans des écrits qui viennent d'Allemagne, même de Pologne, d'Italie, de France, d'Angleterre. C'est une des rares catastrophes qui a une dimension internationale en quelque sorte. Voilà, exactement, au niveau de la mémoire qui va être répandue comme ça. Il faut dire que l'image est frappante pour les esprits. Cette montagne qui se met en colère et ces rochers qui viennent se précipiter sur les humains, comme dans les plus anciennes mythologies. On a beaucoup d'exemples de ces récits d'éboulements dans les mythologies anciennes, que ce soit en Mésopotamie, bien entendu dans la mythologie grecque. Alors là, ça regorge. Sans doute que ça doit parler à ce que Jung aurait appelé des archétypes, c'est-à-dire qu'on a engrammé au fond de nos esprits ces images d'être écrasé par les rochers. Donc le Mont-Granier, de ce point de vue-là, a fait école. Il a certainement fait résonance. Résonance. Voilà, le choc a été. Et puis, je pense qu'aussi il a bénéficié du fait que Étienne de Bourbon en a écrit la matière d'un de ses prêches et évidemment et voilà, il a voyagé ensuite à travers toute l'Europe, lui ou des dominicains qui faisaient partie de son ordre, et ils ont utilisé cette catastrophe-là pour aller dans les villes prêcher comme ça se faisait beaucoup à ce moment-là. Alors évidemment, on a tout de suite essayé de comprendre ce qu'il se passait face à l'horreur. On cherche toujours des explications. Quelques explications concrètes, pratiques, et puis nous allons le voir, beaucoup d'explications nettement moins pratiques. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Bien malin, des riches enfin. Il en pioche pic-pac dans la terre ou dans la roche. Dans la mine, dans la mine, dans la mine, dans la mine. Ou un monde de diamants brille. On pioche pic-pac du matin jusqu'au soir. On pioche pic-pac tout ce que l'on peut voir. Voilà un souvenir en musique, un extrait du dessin animé Blanche-Neige avec les sept nains qui piochent dans la montagne. Et justement, la montagne, nous y sommes cet après-midi avec votre invité Franck Ferrand pour parler de l'éboulement du Mont-Granier et d'autres catastrophes naturelles, notamment au Moyen-Âge. Votre invité, c'est Thomas Labbé qui est historien. Et Jean-Luc nous dit via Facebook qu'en 1248, il n'était pas sur place. Par contre, nous dit-il, le dernier éboulement connu dans la région pour moi date du 6 mai 2016. Et pas du début de l'année 2017, pardon, mea culpa, cher 2016. Jean-Luc. Je ne vois jamais le temps passer, moi, mais vous avez raison. Les deux derniers éboulements ont eu lieu exactement dans la nuit du 8 au 9 janvier 2016 et ensuite, effectivement, le 6 mai 2016 et non pas 2017, pardon. Beaucoup de réactions de tous ordres. On me dit notamment qu'on dit pas Miance pour la chapelle, on dit Mian, tout simplement. Ouais. Et Sébastien nous dit, je prends l'émission en route, je ne sais pas si vous avez déjà parlé du village de Mian, parce que moi j'y habite, et ici on dit que le village n'a pas été frappé par l'éboulement grâce à Notre-Dame de Mian. L'éboulement s'est arrêté aux portes du village. Mais oui, nous avons raconté tout ça, Sébastien. Alors, si vous voulez le retrouver, il faut aller sur le replay, voilà, ou prendre l'émission en podcast. Comme ça, on nous écoute en Savoie cet après-midi. Voilà, visiblement. Alors, Thomas Labbé, quelles explications a-t-on essayé dans un premier temps de donner de ce phénomène? Certains se sont penchés de façon, j'allais dire, scientifique. Oui, à leur manière scientifique sur la question. Tout à fait, oui, à leur manière scientifique, mais en fait, les explications d'un tel événement au XIIIe siècle peuvent aussi bien faire intervenir des éléments rationnels que des éléments théologiques sans que tout cela s'oppose. Ce chroniqueur anglais... Tout ça doit même concorder au final, c'est dans concorder l'esprit. Concorder ou se juxtaposer, donc tout simplement, l'une n'empêche pas l'autre. Et ce chroniqueur anglais, donc Mathieu Paris dont vous avez parlé, explique que la montagne est tombée à cause d'un tremblement de terre, puisqu'il l'imaginait que la... D'ailleurs, il n'avait pas tout à fait tort, hein, même s'il ne le savait pas lui, mais il n'avait pas tort là-dessus, que la montagne était creusée de cavernes. Et on expliquait à l'époque les tremblements de terre comme des... On imaginait que des vents souterrains... circulaient dans ces cavernes et lorsque la pression était trop forte... Dans les espèces de galeries souterraines. Dans les galeries souterraines, lorsque la pression est trop forte, la caverne éclate et donc un tremblement de terre se produit. Cette explication, on la devait à qui elle fait partie du corpus aristotélicien. Elle fait partie, exactement. Ouais. Voilà, Mathieu Paris, c'est un homme qui est très à la page de tout ce nouveau savoir qui arrive via les universitaires... qui au XIIIe siècle travaille beaucoup sur Aristote et sur sa philosophie. La grande naturelle. Redécouverte d'Aristote. Hein. Exactement. C'est une époque où on redécouvre de plus en plus la nature et on cherche à expliquer de manière un peu plus précise peut-être qu'auparavant, en éliminant un petit peu du symbolisme, des choses comme ça, et on essaye d'avoir une explication rationnelle, hein, avec des causes physiques. Et donc Mathieu Paris fait partie des gens qui sont allés assez loin dans cette... et il donne une explication extrêmement cohérente d'ailleurs sur la question, ce qui ne l'empêche pas ensuite de dire, au vu de la catastrophe, au vu évidemment, c'est un moine également qui a sa mentalité théologique, de s'interroger si la catastrophe a eu des causes naturelles ou miraculeuses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'interroge sur la question. Ce n'est pas quelque chose d'évident. On ne va pas directement à l'explication théologique. On se pose quand même aussi des questions d'ordre physique, disons-le. Voilà, hein. Donc, ces vents souterrains, nous dites-vous, on parle du tonnerre qui pourrait créer des secousses, c'est ça ? On évoque toutes sortes de théories. Hein. Mm-hmm. On parle même des éclipses. Qu'est-ce que l'astronomie aurait à faire dans cette histoire ? Dans l'histoire du granier, elle n'a pas eu grand-chose à faire, mais disons qu'ils sont capables d'expliquer les éclipses. Les planètes, on suppose que les planètes ont une action sur les éléments, hein, dans la théorie aristotélicienne. Y compris sur les éléments minéraux, donc sur... Exactement, et les planètes attirent les exhalaisons, les humeurs de la Terre qui sont les responsables des vents souterrains qui font les tremblements de terre. Donc il y a un lien possible avec l'astrologie. Et tout ça est relié, bien entendu. C'est toute une cosmologie, en fait, cette pensée d'Aristote. Les choses sont en lien les unes avec les autres. Voilà, et dans une grande cohérence. Hein. Ce sont des explications assez complexes, qui sont dépassées, évidemment, mais qui permettent de rendre compte de tous les événements, de tous les types de phénomènes naturels. Ce qui fait qu'il n'y a pas de phénomène inexpliqué pour un homme du Moyen-Âge. Non, on pourrait imaginer qu'ils sont... Il reste dubitatif, qu'il reste quoi devant la catastrophe ? Pas du tout, en fait. Du tout, du tout. Ils ont tout ce qu'il faut pour expliquer tout ça. Et alors, dans l'arsenal des explications, évidemment, les explications d'ordre divin. Voilà. C'est quand même le cœur de la question. Où se cache Dieu derrière tout cela ? C'est ça. Et la grande réflexion, hein, de ces hommes, c'est de essayer de déceler à partir de certains détails qui ne collent pas forcément avec le corpus de la philosophie naturelle, de déceler le détail qui va leur permettre de trouver la présence de Dieu. Et si on prend le cas de Mathieu Paris, il observe des tremblements de terre en Angleterre, puisqu'il est anglais, donc il en observe aussi en Angleterre, et là ça lui pose beaucoup plus de questions, puisqu'il dit que dans le sol anglais, il n'y a pas de caverne souterraine. Donc les tremblements de terre ne peuvent pas avoir lieu en Angleterre, aussi facilement qu'ils peuvent avoir lieu dans les Alpes. C'est un exemple de la petite recherche du détail que cherchent ces hommes quand ils observent les phénomènes naturels. Donc si ça ne peut pas venir de là, ça pourrait venir directement de la colère divine À ce moment-là, on embraye sur des explications de ce type-là. Alors, qui dit colère divine dit culpabilité d'un certain nombre des habitants qui se seraient rendus coupables de péchés qu'il faut punir, en fait. C'est Sodome et Gomorre. Alors, c'est le modèle du déluge. Ouais. C'est ça. Mm-hmm. Alors, comment va-t-on choisir les victimes, les boucs émissaires, si je puis dire ? Alors ça, pas on les va victimes, les... pardon, les coupables, hein, parce les que coupables, les victimes, elles ont déjà été choisies. Oui. Ben ça va dépendre du contexte, du moment. Hein. Mathieu Paris va choisir les Savoyards, puisque lui, il est du côté anglais, et donc il voit les Savoyards débarquer à la cour anglaise, ce qui ne lui plaît pas. Mm-hmm. D'autres vont proposer un autre type d'explication. Donc Étienne de Bourbon, vous avez parlé, lui, il va parler de l'usure et de Jacques Bonnivard. Et dans Les différentes catastrophes que j'ai pu parcourir, en fait, on voit souvent qu'il y a un lien avec le contexte précis de l'époque. Je pense, par exemple, dans les régions germaniques, dans les années 1350, 60, 70, on critique beaucoup la mode vestimentaire qui est en train de changer. Donc, on met en rapport les tremblements de terre, et les orages voilà. avec. Il fallait rester habillé comme il faut. Exactement, les pourpoints commencent à devenir trop courts pour beaucoup d'âmes d'église. C'est assez étonnant quand même. Si ce n'est pas Dieu qui est à la manœuvre, c'est peut-être aussi le diable. Il joue un rôle hein, dans cette affaire. Il joue un rôle parmi toutes les forces qui rentrent en jeu dans le concert de l'explication du monde. Donc on suppose que l'air est rempli d'esprits qui circulent. Tout ça, ça a rapport à la théologie, évidemment. Et ces démons aériens, ou le diable ou lui-même, le malin lui-même, exactement, qui est là pour nuire à l'humanité, eh bien, peut déclencher des catastrophes. On sait par ailleurs qu'à chaque fois qu'il y avait de grosses catastrophes, des incendies majeurs, des inondations justement, etc., on avait tendance à brûler les sorcières dans la foulée quand même. Hein, on faisait le... Ça, à la fin du Moyen-Âge, oui, puisque à la fin du Moyen-Âge, on va se mettre à criminaliser tout cela, ce qui a été finalement le sorcier, parce que le sorcier fait aussi partie, au même titre que le prêtre d'ailleurs, de celui qui est capable de maîtriser ces démons aériens et donc de protéger la communauté, puisqu'il y a un bon et un mauvais usage de tout cela. Parfois même, on va chercher le curé à l'église manu militari parce qu'il n'a pas réussi à empêcher une tempête qui a détruit les récoltes ou des choses comme ça. On a des exemples. Hein. On a même des procès d'animaux hein, qui ont eu lieu. On a des procès d'animaux. Ça, c'est une des choses les plus curieuses. Hein. On a des procès d'excommunication d'insectes énormément. Par exemple, voilà. Ouais. On lance l'anathème même sur les insectes. On fait une parodie de procès. C'est-à-dire qu'on va chercher, les communautés paysannes vont chercher l'official de l'évêque qui fait un procès. Nous avons tendance à nous montrer volontiers goguenard sur les explications que nos aïeux trouvaient à toutes ces calamités, en oubliant que nous-mêmes souvent ignorons énormément de choses, et qu'après tout, face à l'horreur, face au malheur indicible, il faut bien trouver une explication. Il semblerait que ce soit une nécessité psychologique. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes en Savoie cet après-midi avec cette histoire en 1248, l'effondrement du mont Granier et toutes ces autres catastrophes naturelles. On en parle avec vos invités, Thomas Labbé qui est historien et Marie Burin-Desrosiers qui vient de nous rejoindre et qui est responsable d'édition au Guide du Routard. D'ailleurs, nous prendrons la route tout à l'heure de 15h à 15h30 avec l'affaire en mobile. Et Elodie nous dit sur Facebook, il faut absolument visiter l'ancien monastère de la Grande Chartreuse qui est un endroit à couper le souffle. C'est magnifique, perdu au milieu de la montagne. De très nombreux auditeurs originaires de la Chartreuse et ses environs vous écoutent aujourd'hui. Voilà, et Jean ajoute, vous allez parler de la Vierge Noire de Notre-Dame de Mians. Oui, oui, nous y venons ou nous y revenons. Bonjour Marie Burin-Desrosiers, merci d'être avec nous. Vous êtes arrivée avec un guide du Routard sous chaque bras, si je puis dire. Nous allons aller nous promener dans cette région. Visiblement, la population locale reste consciente de ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Et cet événement de l'éboulement du Mont Granier a laissé un souvenir, en fait. C'est assez étonnant, ça, non ? Oui, tout à fait. Depuis si longtemps. Oui, parce qu'effectivement, toutes les catastrophes naturelles restent assez ancrées dans les mémoires. D'autant plus qu'aujourd'hui, sur ce chaos géologique, se sont formées des vignes qui s'étendent sur les abîmes de Mians. Eh oui, bien sûr. Hein. Dont vous avez parlé tout à l'heure. Et il y a au pied de ces falaises du mont Granier, Apremont, donc ce gros bourg viticole qui a donné son nom au plus connu des vins de Savoie. Merveille de fruité, voilà. L'Apremont. Voilà, c'est ce qu'on boit avec la raclette, notamment. On boit avec la raclette et l'Apremont jouit du AOC, donc... partie des vins les plus populaires. Et tous avec modération, bien entendu. Vous disiez justement à l'instant, chère Anissa, que dans les familles, un certain nombre de catastrophes naturelles sont comme des repères. Restent en mémoire et se transmettent de génération en génération. On a connu ça encore peut-être davantage dans les temps médiévaux, Thomas Labbé. Oui, la mémoire des catastrophes fait partie du mode de pensée aussi. Souvent, après des grandes inondations... On pourrait dater les choses en fonction des catastrophes. Ah ben, c'était à l'époque de telle catastrophe. Ça peut arriver, oui. Il y a des exemples comme ça, même dans des registres notariés en Italie. Il y a eu un gros tremblement de terre en janvier 1117 et des gens qui achètent une parcelle en 1147 disent qu'ils sont nés avant le tremblement de terre. Donc ça donc permet on sait qu'ils ont plus de 30 ans déjà. Voilà, ça permet de connaître leur âge. S'ils ne connaissent pas leur date de naissance exacte, ils connaissent au moins la date du tremblement. En fait, ce sont des accros dans le temps et qui permettent de se rappeler les choses par définition même. Alors si c'est la colère divine ou l'action du diable qui provoque les catastrophes naturelles, on doit pouvoir normalement s'en prémunir. Est-ce qu'il y a à cette époque un certain nombre de pratiques à observer pour éviter que la colère du ciel ne vous tombe dessus? Bien sûr, il y en a beaucoup. La première qui vient à l'esprit, ce sont les processions. Qui ne sont pas aussi fréquentes qu'on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des processions après chaque phénomène naturel, mais lorsque le phénomène dépasse un certain seuil, c'est le cas du Granier, c'est le cas du tremblement de terre de Naples en 1456. Mmh. Là, on trouve des processions en ville qui peuvent durer plusieurs jours. Ce sont des véritables explosions, d'ailleurs, des religions à ce moment-là, où on a des récits, des gens qui sont pieds nus, enfin, qui marchent en toute humilité pour essayer... Qui font pénitence, exactement, pour faire stopper la catastrophe. Il y a des gris-gris pour se protéger des mauvais esprits. Il y a aussi tout un arsenal, oui, dans ce qu'on appelle la religion domestique. Alors, bon, les gens, par exemple, avaient des pendentifs dans lesquels ils inséraient des phylactères avec des prières ou dans lesquels ils inséraient des herbes qu'on pensait... Des phylactères, c'est-à-dire des petites, comme des étiquettes, si l'on veut. Voilà, des petits parchemins pliés. Oh, oui. Voilà. Et, ou alors, on imaginait que certaines pierres avaient une vertu pour préserver des orages et du tonnerre, par exemple. Alors, quand je dis certaines pierres, je vais vous parler du corail qui n'est pas une pierre, mais à l'époque on pensait que c'était un minéral. Et le corail était très connu pour avoir cette vertu à ce moment-là. Ou alors on sait qu'en Italie du Nord, à la fin du XVe siècle, on pendait un charbon sur un des murs de la maison, un charbon qui avait été béni le jour de Noël, et que ce charbon permettait d'éviter la grêle. Ce sont évidemment des moyens un peu dérisoires pour lutter contre l'adversité absolue, mais en même temps, c'est d'autant plus touchant et même d'autant plus poignant, voir comment on essaie de se protéger comme on peut face à ce qui, de toute façon, vous dépasse complètement. La montagne, d'une façon générale, était considérée à l'époque comme un lieu dangereux, hein. Il faut dire ça. Tout à fait, oui, on ne faisait pas trop d'alpinisme à ce moment-là. L'alpinisme, c'est le 18e siècle, même fin 18e en fait. Voilà, ouais. Une des montagnes célèbres pour avoir un sommet un petit peu maudit, c'est le Mont Canigou. Mm-hmm. Le lac au-dessus du Mont Canigou, les légendes racontent que si l'on versait une goutte d'eau ou quelque chose à l'intérieur, on pouvait déclencher des tempêtes absolument gigantesques. Donc on évitait d'aller dans ces endroits-là qui étaient plutôt réservés aux malins et aux diables. Marie Burin-Desrosiers, ces espèces d'esprits malins de la montagne, etc., qui rendaient la montagne inquiétante, ils ont laissé des traces encore aujourd'hui? On parle des mauvais esprits de la montagne? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui le tourisme et l'alpinisme ont pris le dessus et qu'au contraire on considère la montagne comme un lieu de bonheur? Je pense que c'est une superstition vraiment moyenâgeuse qui s'est reportée aujourd'hui sur autre chose. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus vraiment de contrées complètement vierges. Tout a été exploré et exploité. Donc, on n'est plus dans cette inquiétude et cette appréhension. C'est ce qui s'est passé dans les Alpes, notamment dans les Alpes, mais essentiellement dans les Alpes. C'est-à-dire ce basculement au tournant du 19e siècle qui fait que cet endroit interdit, cet endroit qui était le refuge des esprits, qui était le repère du diable, comme on disait, et que les pèlerins, lorsqu'ils étaient bien obligés de franchir des cols, n'affrontaient qu'avec la plus grande terreur, cet endroit devient au contraire un lieu de découverte, de dépassement de soi et de contact avec la nature. Ça, c'est quand même assez fascinant. C'est récent, c'est le 19e siècle, avec l'ascension de la Grande Casse en 1868. Oui, c'est plus récent, effectivement. Et maintenant, nous avons de la montagne une image tout à fait positive. Il s'est passé exactement la même chose avec l'océan et avec la mer, d'ailleurs, il faut le dire. C'est-à-dire que le rapport à la nature a totalement changé, Thomas Labbé. Tout à fait, oui, c'est mais bon, comme beaucoup de choses, cela étant dit, par rapport au Moyen-Âge, mais c'est vrai que le sens que l'on donne finalement aux éléments, mais c'est ça qui en fait la beauté de l'histoire. Les catastrophes naturelles au Moyen-Âge de Thomas Labbé, c'est publié aux éditions du CNRS. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. Restez avec nous parce qu'on reste en montagne, donc vous allez nous accompagner. Merci. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. D'aller se balader si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 jusqu'à 15h30 à bord de la Ferrand Mobile. Nous allons explorer le très beau massif de la Chartreuse que Stendhal surnommait l'émeraude des Alpes. Voilà, l'émeraude pour... des Alpes. D'où vient ce surnom que Stendhal a donné au massif de la Chartreuse, Marie Burin des Rosiers? C'est un joli surnom qui évoque évidemment les profondes forêts très verdoyantes. Oui, c'est ça en fait. Le massif de la Chartreuse, oui, la forêt est omniprésente. Il y a des aides, des érables et des résineux. Plus on monte, plus la végétation change. C'est donc très vert en fait comme coin. Ben, c'est très vert, oui, tout à fait. Il pleut un peu quand même, voilà, on a le droit de le dire. Oui, tout à fait, on a le droit de le dire. C'est le revers de la médaille. Il pleut, mais en contrepartie, il y a des paysages absolument extraordinaires. Alors, c'est une région qu'on connaît pas très bien, bizarrement, parce que ça n'est pas très difficile d'accès, cette Chartreuse, en fait. Non, pas du tout. La Chartreuse se trouve, c'est le plus petit des massifs préalpins, oui, à mi-distance entre Chambéry en Savoie, voilà, et Grenoble dans l'Isère. Donc, ils sont toutes les deux. On est sur la frontière de la Savoie et de l'Isère, en fait, ouais, là, c'est ça? Oui, exactement, exactement. Et le massif de la Chartreuse, et en fait, s'est formé en 1995, le parc naturel régional de la Chartreuse. Mmh. Qui est sur ce territoire. Donc on est à 3 heures de Paris, aussi bien depuis Chambéry que depuis Grenoble. Avec des routes qui sont vraiment très accessibles. Ah oui, 3 heures en TGV quand même. Oui, bah bien sûr. Ouais. Hein. Des paysages fascinants, très variés, disons-le. Un habitat intéressant aussi, il faut le dire. Enfin, tout est fait pour le tourisme d'une certaine manière, avec aussi, vous nous le disiez, quelques bonnes tables. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Alors pour les bonnes tables, oui, effectivement, il y a beaucoup d'endroits. Moi, j'avais envie d'évoquer une ferme très typique, la ferme de Brévardière, parce qu'en plus d'être une ferme et un restaurant où on peut prendre des repas sur réservation, les propriétaires Céline et Philippe sont producteurs de safran. Donc, ils ont une safranière à côté de l'auberge et ils agrémentent leurs plats. Ils font des bons petits plats, une cuisine maison rustique, mais vraiment très excellente avec des produits frais de leur potager qu'ils agrémentent avec du safran. Alors, s'il y a une saison, c'est plutôt en octobre-novembre. Évidemment, ils le consomment toute l'année. Il est séché et c'est vraiment une super adresse. Alors, vous nous dites, cette région, on est dans un des massifs préalpins, entre Grenoble et Chambéry. D'où partons-nous? On pourrait partir peut-être de Chambéry, puisqu'on parlait de la capitale d'une des capitales des Ducs de Savoie, Chambéry. Oui. Un endroit magnifique, il faut dire. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Depuis Chambéry, alors, on peut descendre à Apremont, qu'on évoquait tout à l'heure. Pour un mot peut-être de Chambéry, vous parlez de cette ville avec ses grandes rues rectilignes, la fontaine aux éléphants bien entendu, oui, hein, les 400 culs comme on les appelle, parce qu'on ne voit que leur tête à ces 4 éléphants. Oui exactement, cette fontaine qui a été restaurée récemment, et puis toutes ces façades qui sont très colorées, ces façades sardes qui sont oui, charmantes. On est vraiment dans le style savoyard au sens, ouais, maison de Savoie là vraiment. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vraiment un point de départ qui est très, très pratique. Apremont se situe seulement à quelques kilomètres au sud. Et là, on descend tranquillement. Donc, on aborde cette ville pour son vin, évidemment, qui est très réputé. Enfin, réputé, en tout cas connu, à défaut d'être peut-être le meilleur, mais en tout cas très connu. Où il y a d'ailleurs un caveau musée du vigneron qui présente une collection d'ustensiles de la vigne et du vin du XVIe siècle à nos jours et qui donne un aperçu de la production locale. Du XVIe siècle. Parce que c'est là que le vin d'Apremont prend son essor, si je puis dire. Mais on a des vignes qui vont être créées dès le 14-15e, c'est-à-dire à la suite de la catastrophe dont on parle, hein, finalement. Cet éboulement du Mont Granier, de ce point de vue, a transformé le paysage. C'est intéressant, ces histoires de transformation du paysage et d'adaptation des hommes, Thomas Labbé. Les gens, en quelque sorte... font aussi avec les cadeaux de la nature, parce que d'une certaine manière, derrière la catastrophe, on découvre des terres fertiles. C'est, ça peut être le cas. Et puis, de toute façon, les gens réinvestissent, hein, quoi qu'il arrive. La vie est toujours plus forte, en fait. Oui, exactement. Et c'est souvent des initiatives, d'ailleurs, qui viennent des autorités, hein, puisqu'on craint le départ des gens, hein, très clairement. On craint la désertification. Donc, on veut maintenir les gens. On en fait revenir d'autres. On fait venir des marchands. Enfin, c'est ce qu'ont fait les comtes de Savoie à l'époque, en l'occurrence. Exactement, oui, oui. Oui, oui, c'est pour ça qu'on autorise des dégrèvements d'impôts, des choses comme ça, pour que les gens restent. Et éventuellement, dans le cas du Granier, on a créé un vignoble, en effet, qui existait quand même un petit peu auparavant, mais qui a été renforcé suite à la catastrophe. Oui. Alors, prenons le col du Mont Granier pour gagner la vallée des Entremonts. Voilà un nom qu'on connaît bien, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Effectivement, par ce col, on rejoint le cirque de Saint-Mesmes. Mm-hmm. Qui est facilement accessible. Bon, on peut le rejoindre à pied depuis Saint-Pierre-d'Entremont. Il faut compter une heure et demie. On est à 900 mètres d'altitude dans un cirque d'une grande beauté, une beauté majestueuse, un site préservé, entouré de falaises calcaires de 500 mètres de haut, d'où l'on peut voir quatre superbes cascades. De là, donc, deux options. On peut résider là, à cet endroit. Oui, tout à fait. Il y a un chalet du cirque de Saint-Mesmes qui est super, évidemment, puisque vous pouvez être en demi-pension, vous êtes isolé, vous êtes loin de tout. Et l'avantage, évidemment, c'est de se réveiller dans une nature très préservée au milieu de ces falaises de calcaire. Et on y mange des spécialités de montagne bien revigorantes, comme la raclette fumée, les dios creusés, la tourte reblochon, voilà, qui font partie des spécialités de montagne traditionnelles. Là, c'est de saison. Ah bah là, le pays du fromage, ouais. Ça nous fait rêver. Tous ceux qui sont rentrés de vacances de neige, là, nous en veulent un peu cet après-midi, je le sens bien. Alors, à Entremont-le-Vieux se trouve un musée de l'ours des cavernes. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que dans la grotte de La Balme à Colomb, qui est traversée par un sentier qui monte justement jusqu'au Mont Granier, a été découvert. C'était en novembre 1988. J'espère que je ne me trompe pas cette fois de date. Moi, dès que j'arrive dans les dates récentes, vous avez remarqué, ça a tendance à flotter un peu. Je suis moins à l'aise avec le récent. Mais en l'occurrence, si je me trompe, nos auditeurs nous le diront. Donc, a été découvert un gisement d'ossements d'ours des cavernes. C'est le plus important qu'on ait jamais vu, Marie Burin-Desrosiers. Tout à fait. Et sur ce site a été donc reconstituée une grotte qui nous fait approcher l'ours des cavernes en Chartreuse. C'est en fait un voyage dans le temps, puisqu'on approche le dernier géant de la préhistoire. Alors tout a été, la reconstitution évidemment est mystérieuse, se veut mystérieuse. On entre dans la pénombre, le sol est jonché d'ossements qui entretiennent l'illusion d'une entrée dans un monde souterrain où on peut tomber nez à nez avec cet ours des cavernes. Or si on ne le croise pas, il y a en tout cas son squelette qui donne une idée de la taille du mammifère. Et pour les enfants, en fait, c'est un site qui est aussi très sympa pour les enfants, puisqu'il y a beaucoup d'activités, de modules ludiques. On peut par exemple comparer des crânes pour différencier le mâle de la femelle ou déterminer l'âge d'un ourson à partir d'une radiographie de mâchoire. On n'a pas été comme dans les Pyrénées jusqu'à relâcher des ours, hein, quand même, parce que l'ours des cavernes, ça aurait fait peur aux touristes, il faut bien le dire. On arrivera peut-être à en cloner un de ces jours. Il y a un autre site historique là, les grottes de Saint-Christophe dans l'immédiat voisinage. Hein. C'est des galeries souterraines avec on est sur une sorte de passerelle qui est accrochée à la paroi en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a deux grottes, les grottes des Échelles, qu'on peut visiter avec un guide seulement, évidemment. La plus impressionnante, qui s'appelle le Grand Goulet, est une ample galerie souterraine qu'on découvre depuis une passerelle qui est accrochée à une vingtaine de mètres. Voilà. Il y en a une autre qui est un peu plus modeste, qu'on découvre le long d'un parcours. Et là, évidemment, il y a des concrétions qui sont magnifiques, notamment appelées les marmites de géants. Nous n'en avons pas fini avec Entremont-le-Vieux. Nous y revenons dans un instant. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Autant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Et comment peut-on faire une émission sur la montagne sans écouter Jean Ferrat ? N'est-ce pas ? On essaiera peut-être un jour pour voir si on essaiera, si mais je pense que les auditeurs devraient râler si on ne le passe pas. En tout cas, quelques notes de Jean Ferrat, effectivement. Cet après-midi jusqu'à 15h30, nous sommes au cœur de la Savoie. Nous découvrons ses richesses de paysages et ses richesses gastronomiques. Nous sommes à Entremont-le-Vieux avec vos invités à bord de la Ferrand Mobile, Thomas Labbé, historien, et Marie Burin-Desrosiers, qui est responsable d'édition au Guide du Routard. Oui, puisque vous parlez de délices, il faut que je vous parle du délice de Chartreuse, qui est un fromage qui ressemble un peu au reblochon, disons-le, et puis du granier, de la tomme de Chartreuse, du bleu de Sassenage. Ce ne sont pas les fromages qui manquent dans la région, Marie Burin-Desrosiers. Oui, oui, tout à fait. Vous avez cité les principaux, ceux qui sont en tout cas emblématiques du massif de la Chartreuse et qu'on peut déguster et acheter à la coopérative laitière. Donc, le fromage de lait de vache, là-bas, bien entendu. Là, c'est de la vache, oui, tout à fait. Et c'est de la vache de pâturage, d'alpage, comme on dit, sans doute, hein, j'imagine. Oui, oui, bien entendu, c'est de la vache d'alpage. Oui, tout à fait. Alors, quand on est à Entremont-le-Vieux, on est dans la patrie de Thierry Martenon. Que connaissent les amateurs d'art plastique. C'est un sculpteur qui c'est l'enfant du village, si je puis dire. Oui, l'enfant du pays, tout à fait, et qui sculpte essentiellement le bois. C'est vraiment un artisan qui est devenu presque un artisan d'art, qui a une renommée internationale. Il est très prisé des décorateurs et il a une inspiration, il trouve son inspiration dans la nature. Donc, il a des œuvres vraiment très impressionnantes. Si vous avez la chance de le rencontrer, il a un atelier à Entremont-le-Vieux. Alors, à la belle saison, on cherche les lacs quand on se promène dans la région, notamment le lac de Paladru, bien entendu, avec des activités nautiques très importantes. Le lac de Paladru, c'est peut-être pas l'endroit où on a tendance à aller à cette saison. On fait plutôt du ski dans le coin. Oui, le lac de Paladru est un petit peu en marge du massif de la Chartreuse. Effectivement, oui. Il est une trentaine de kilomètres. C'est ça, en oui. été, c'est super. En hiver, en ce moment, effectivement, c'est plus de saison. Donc, le ski, pas seulement d'ailleurs, puisqu'il y a aussi les raquettes, il y a le fat bike, il y a le ski de fond qui est très pratiqué. Le ski de fond qui est très pratiqué. La luge. Ma spécialité. Oui. Ça doit être très... Ah, c'est rigolo. C'est ça. C'est un savoir-faire très particulier. C'est ça. Nous essaierons peut-être de faire une émission sur la luge un de ces jours. Avec grand plaisir. Je pense que vous nous apporterez là des éléments. Il y a une dizaine de stations de ski en Chartreuse. Ah oui, quand même, oui. Oui, tout à fait. Le plus grand domaine s'appelle Cœur de Chartreuse. Il y a 26 pistes de ski alpin. Mm-hmm. Et c'est un ski plutôt familial, une station en tout cas chaleureuse. Et on est dans un environnement superbe, évidemment très boisé. Donc, c'est... une station qui est vraiment adaptée et recommandée pour l'apprentissage du ski. Alors, comme nous le demandait un de nos auditeurs tout à l'heure, il faut que nous parlions évidemment du monastère de la Grande Chartreuse. Ça, c'est le haut lieu culturel de tout ce massif, bien entendu. Un endroit tout à fait extraordinaire, ce monastère fondé par Saint Bruno en 1084. Oui, tout à fait. C'est le site incontournable de la Chartreuse. C'est un lieu d'une beauté exemplaire et d'une grande sérénité. Seul le musée se visite. On y trouve de nombreux documents, des objets de la vie courante, des gravures et des vidéos, dans muséographie étonnamment très moderne et assez laïque. Mmh. Le monastère, lui, est à 2 kilomètres au-dessus du musée. Il ne se visite pas, car les 30 moines qui vivent aujourd'hui sont voués à la prière, au silence, à la solitude, selon la règle de Saint Bruno. Par contre, on peut s'y rendre à pied depuis le musée. L'accès se fait par un petit chemin forestier qui est interdit aux voitures. Et il est super facile d'accès. Il faut compter 45 minutes aller-retour. Un petit peu plus si on veut profiter du cadre. En tout cas, c'est aussi une balade familiale. Donc on approche du monastère, mais on ne le visite pas. C'est ça, en fait. Non, on ne le visite pas. Mais le monastère est dans un cadre inouï, majestueux. Mais bien sûr. Oui. Envoyez-nous vos photos. Là. C'est absolument somptueux, cet endroit, bien entendu. Oui, au pied d'une montagne, appelé le Grand Son. Qui culmine à 2026 mètres. Ce n'est pas le point culminant de la Chartreuse, mais presque. Et à Saint-Pierre de Chartreuse, puisque c'est là que nous sommes, en fait. Donc, vous dites combien presque 1000 mètres d'altitude, en fait, cet endroit. Se trouve aussi le musée d'art sacré contemporain, avec toutes sortes de... comme l'on en l'indique, d'œuvres religieuses, mais d'artistes contemporains. Oui, d'un artiste en particulier, qui s'appelle Arcabas. Et en fait, c'est une église, l'église Saint-Hugues de Chartreuse, qui est devenue un musée en 1984, suite à la donation de cet artiste, qui est peintre et sculpteur, et qui a fait don de son œuvre, 40 ans de son travail, à la ville. Donc, on peut voir ses œuvres, ses peintures dans le musée, dans cette église reconvertie en musée. Vous voyez, c'est foisonnant de couleurs, c'est vraiment une explosion de symboles et de métaphores à dominante rouge et or. Mais alors, moi, quand je dis Chartreuse, évidemment, l'image qui me vient à l'esprit, c'est celle d'une liqueur, d'une couleur bien particulière. Si vous voulez bien, nous y venons dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Super pouvoir d'achat. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et cet après-midi, on va dire que celui qui ne boit pas, c'est celui qui conduit. Hein, donc je vais conduire, puisque nous faisons une petite halte. Vous avez halte vite réparti les mots. En Savoie, avec Thomas Labbé, qui est historien, et Marie Burin-Desrosiers, qui est responsable d'édition au Guide du Routard et qui est notre guide cet après-midi sur Europe 1. Et forcément, quand on est dans le massif de la Chartreuse, on parle de Chartreuse. Et oui, alors il faut aller à Voiron pour trouver les caves de Chartreuse qui sont, semble-t-il, si je ne m'abuse, Marie Burin-Desrosiers, les plus grandes caves à liqueur du monde. Là, nous sommes à Voiron, donc à 30 km du monastère, à l'est du monastère. Et effectivement, c'est là qu'a été élaboré l'élixir de longue vie, le mystérieux élixir de longue vie, donc, qui a été élaboré à partir d'une formule qui a été transmise au père Chartreux. Et cette formule, évidemment, comme pour tous ces produits mythiques, elle est maintenue secrète. C'est un peu l'équivalent, c'est un peu comme chez Coca-Cola. Vous savez, on ne sait pas exactement ce qui entre dans la composition. Ou la potion ce qu'il faut dire, d'Astérix. C'est qu'il y a une Chartreuse verte que moi je connais, mais il y a aussi, semble-t-il, une Chartreuse jaune. Oui, quelle est la différence là? La Chartreuse jaune est plus douce, elle est aussi moins alcoolisée puisqu'elle est à 40 degrés, alors que la Chartreuse verte est à 55 degrés. C'est ça. Et la Chartreuse verte est vraiment un dérivé de cet élixir de longue vie. Il y en a peut-être les mêmes propriétés, vous me direz. En tout cas, les deux sont élaborés à partir de 130 plantes qui sont, ces 130 plantes qui sont encore secrètes et qu'on ne connaît pas. C'est dans ces caves qu'a eu lieu le fameux grand dîner des Jeux Olympiques de Grenoble. Oui, hein, c'est ça? 1968. Exactement. Le dîner de gala a eu lieu là-bas, sur place. Et il a dû se clore par des dégustations de chartreuse, on peut l'imaginer. Vous m'avez proposé de faire une petite embardée, me dites-vous, par la chocolaterie Bona. Ah oui, tout à fait. C'est à Voiron également. Donc, elle est peut-être presque aussi célèbre que la distillerie. Puis c'est aujourd'hui la quatrième génération de chocolatiers qui fabriquent et qui continuent à torréfier, à transformer directement les fèves. Mmh. Et évidemment, des grands crus exclusivement. Sur place, on trouve un magasin de chocolat, une confiserie, un salon de thé. C'est cher, mais c'est délicieux. Ça vaut le coup, en tout cas. Oui. Et donc, tout ça, c'est à Voiron. Alors, si on poursuit notre route, on arrive en Grésivaudan. Alors ça ne fait forcément référence à la célèbre bête du Grésivaudan. On a eu l'occasion de parler de ça déjà. C'est au début du 18e siècle que la bête commence à faire parler d'elle. Ce Grésivaudan, c'est une région qui est là encore très riche pour ce qui est des terres, très verte. Louis XII parlait à son propos de plus beau jardin de France. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Grésivaudan? Là, on est entre la Chartreuse, finalement, entre le massif de la Chartreuse et le massif de Belledonne. Mmh. Effectivement, et moi, je vous propose de faire une petite, un petit détour par le fort du Saint-Aignard, justement, pour avoir une vue majestueuse sur la vallée du Grésivaudan que l'on domine. Là, on n'est plus très loin de Grenoble, là. On s'en rapproche vraiment. Là, on est au sud, vraiment, du massif de la Chartreuse. Et depuis ce fort qui a été édifié au XIXe siècle et qui faisait partie de la ligne de défense nord de Grenoble. En fait, ce sont tous ces forts qui sont bâtis au milieu du 19e siècle et qui sont là pour protéger des passages vers les frontières. En fait, il y en a dans toutes les zones montagneuses, dans tout le pourtour de la France. Et celui-ci est particulièrement élevé. C'est un véritable belvédère avec une vue extraordinaire. Oui, tout à fait. Et notamment sur le massif du Mont Blanc, en fait, d'est en ouest. On embrasse le massif du Mont Blanc, la chaîne de Belledonne et à ses pieds, donc, la vallée du Grésivaudan. Mmh. Et une partie de l'Oisans et évidemment Grenoble, juste tout proche. La vallée du Vercors dans la foulée, en fait. La vallée du Vercors dans la foulée. Il a été restauré, ce fort? Oui, il a été restauré. Il y a eu des travaux de réhabilitation récents. Il y a même un restaurant et évidemment la table d'orientation qui vous permettra de repérer les sommets. Alors, que peut-on faire dans la région dans les temps qui viennent? Il faut se rendre aux anciennes rencontres Brel, qui s'appelle maintenant le Festival du Grand Son. Ça, ce sera à l'été, là, au mois de juillet, à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Festival axé autour de la chanson française, qui aura lieu exactement du 18 au 23 juillet. Le grand son, c'est un jeu de mots qui tombe bien, puisque c'est le nom d'un sommet, en fait. Oui, c'est le nom d'un sommet, effectivement, c'est un jeu de mots. Donc SOM, le grand son, le sommet s'appelle Grand Son SOM. Et là, le festival, maintenant, n'est plus entièrement... C'est un festival qui a un petit peu évolué, qui était entièrement dédié à Jacques Brel, et qui aujourd'hui rend un hommage plus général à la chanson française. Donc Jacques Brel avait un chalet à côté, finalement, à côté de Saint-Pierre de Chartreuse, où a lieu le festival. Et il était évidemment un habitué. Et aujourd'hui, on y écoute tous les artistes français de manière assez variée. En tout cas, tout le village vit à l'heure de Brel et de la musique française pendant ces quelques jours. C'est juste après le 14 juillet, donc, le festival de Grand Son à Saint-Pierre de Chartreuse. La 15e fête de la forêt de montagne aura lieu également à Saint-Pierre de Chartreuse. Ça, c'est un petit peu avant, c'est un mois plus tôt, avec des démonstrations de travaux forestiers, des visites en forêt, toutes sortes d'animations. Il y a même un colloque. La forêt fait partie de la vie de cette région de la Chartreuse, au même titre que la montagne, en fait. On pourrait presque dire que c'est une région forestière avant d'être une région montagneuse. Oui, Marie Burin des Rosiers. C'est une région, en fait, c'est une terre de contraste, puisque d'une part, nous avons ces forêts qui sont très denses, très sombres, et qui font partie de l'ADN de la Chartreuse. Et par ailleurs, nous avons une roche calcaire qui est assez austère, avec des crêtes, des rochers synclinaux, des parois verticales très abruptes et vertigineuses, donc qui forment un ensemble très, on va dire, ouais, spectaculaire et varié. Et puis, du 21 au 24 septembre, sur le site de Saint-Hilaire-du-Touvet-Limbin, aura lieu la 44e édition de la Coupe Icare. Alors là, on change complètement d'ambiance. C'est le festival du parapente, de l'aile delta, de toutes les pratiques aériennes, en fait, avec même un concours de déguisement en plein vol, un festival international du film de vol libre, le salon des sports aériens, etc. Bref, tous les fondus de courants aériens et de vol, tous les icariens, si j'ose dire, vont se précipiter en Chartreuse au mois de septembre. Ça, c'est le grand rendez-vous rendez-vous de la Chartreuse, effectivement, le troisième week-end de septembre. En tout cas, c'est le premier rassemblement mondial de vols libres, comme vous le disiez, donc il rassemble deltaplane et parapente. On pourrait imaginer de faire un musée de la catastrophe du Mont Granier, d'ailleurs. Ce serait intéressant d'évoquer les catastrophes naturelles au Moyen-Âge. Vous pourriez proposer ça aux autorités locales, Thomas Labbé. C'est une bonne idée. Ça, c'est déjà fait. Une exposition sur les catastrophes naturelles, oui. Mais à cet endroit, non. Non, pas à cet endroit, mais oui, ça s'est déjà fait. Mais qu'est-ce qu'on peut exposer? Il n'y a pas énormément de documents ou il n'y a pas grand-chose à montrer, assez en fait. C'est ça le problème. Muséographiquement, oui, c'est assez compliqué. Il faut arriver à trouver, il faut aller fouiller dans les archives d'une certaine manière. Alors, si je vous demandais un endroit où résider dans cette région, donc là, entre Grenoble et Chambéry, Marie Burin des Rosiers, c'est parce qu'il manque, hein, vous en proposez à longueur de page dans les guides du routard, bien entendu, mais est-ce qu'il y en a peut-être un plus particulièrement? Non, en fait, j'ai envie de vous renvoyer, en fait, de beauté en touche, oui. Parce que de nombreux greniers ont été réhabilités. Ah, vous parliez greniers, justement, oui, de l'architecture, mmh, de la Chartreuse, et des anciens greniers à foin ont été donc reconvertis souvent en chambres d'hôtes et en gîtes. Donc l'office de tourisme de la Chartreuse vous donnera la liste. Ce sont on loge ou chez l'habitant ou dans des gîtes annexes. Et souvent, ce sont des hébergements qui sont très typiques et authentiques, même si c'est un peu galvaudé comme appellation. En tout cas, vous êtes reçu par des gens d'une grande sincérité et l'accueil est toujours exceptionnel. Généralement, il faut des chaussures de randonnée quand on se promène dans la région. On peut aussi recommander à Saint-Bernard-du-Touvet le centre éco-touristique. Ça s'appelle Évasion au naturel. Et ça, ce sont des chalets écologiques qui sont mis en location. C'est idéal pour passer des week-ends en famille, ça. Oui, exactement. Ouais. Merci beaucoup. Je rappelle, Marie Burin des Rosiers, que vous occupez de toute cette région pour le guide du Routard. Et j'ai entre les mains les éditions 2016-17 du Routard pour l'Isère, Alpes du Sud, et pour Savoie, Mont Blanc, avec toutes sortes de photos, avec des coups de cœur, etc. Le Routard, quoi. Et les bonnes adresses, bien entendu. Merci beaucoup. Et voici Alessandra Sublet. Bonjour Alessandra. Bonjour Franck Ferrand. Oh là là, vous êtes au Salon de l'Agriculture, vous. Oui, on est au Salon International de l'Agriculture, au stand produits laitiers, et on est ravis. On vous attend donc pour la Cour des Grands de 15h30 à 17h avec un public formidable. A tout de suite les amis. A tout de suite. Merci beaucoup Alessandra et à demain Anissa. Je sens qu'on va se régaler. À demain Franck. Demain vous allez nous raconter la vie et les œuvres de Walt Disney. Je pense que là aussi on va entendre des choses qui vont nous rappeler les sept nains. Des souvenirs, exactement. À demain 14h avec Franck Ferrand.